Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, ce que j'ai intitulé « L'église de Scientologie en France ». Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, l'organisation américaine qui a racheté pour 33 millions d'euros, excusez du peu, un bâtiment de plus de 7000 mètres carrés compte ainsi renforcer sa présence en France. La mairie, il s'agit de la mairie de Saint-Denis, s'oppose, mais peine à trouver des moyens d'action, bien évidemment, parce qu'il y a des sociétés écrans. Alors, que dit-on de l'église de Scientologie, qui est considérée comme une secte en France, en Europe, mais pas aux États-Unis? Elle est née en 1953 aux États-Unis. La Scientologie repose sur un best-seller, La Dianétique, écrit par un auteur de science-fiction raté, Ron Hubbard. Dans cet ouvrage, le gourou compare le cerveau à un ordinateur dont on pourrait améliorer les performances en effaçant de sa mémoire les données nuisibles. Ça peut s'appeler du lavage de cerveau. Pour y parvenir, les adeptes doivent d'abord passer par un programme de purification basé sur un régime drastique et des séances de sauna, afin d'atteindre l'état de clair. Ils ont ensuite l'obligation de se soumettre à des auditions facturées à prix d'or, ces séances proches de l'hypnose visant à identifier leur trauma, ou engrammes, dans le jargon scientologique. Ces séances donc sont réalisées à l'aide d'un électromètre, appareil supposé mesurer les changements d'état spirituel de la personne, connu pour ses positions contre la psychiatrie et l'homosexualité. Plusieurs fois condamnée, la scientologie est considérée comme une religion aux États-Unis depuis 1993, statut qui lui a permis d'accumuler une fortune supérieure à 3 milliards d'euros. Quand on dit, c'est Libération qui le dit dans un article, 3 millions d'euros, c'est peut-être bien en dessous de la vérité, même si cette église de Scientologie, du moment qu'elle est cataloguée comme secte, a perdu quand même de son prestige, en particulier en Europe. Mais certains disaient que c'était une des plus grosses fortunes du monde, hein, parce qu'il y a l'église de Scientologie, mais il y a ces différentes succursales qui se cachent derrière l'église de Scientologie, ou plutôt servent d'écran à l'église de Scientologie. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien, par rapport aux représentations qu'il peut y avoir en France, hein, sachant bien que Nicolas Sarkozy a accueilli Tom Cruise, hein, qui serait le numéro 2 de l'église de Scientologie, en visite privée. Et Macron, je pense, a fait la même chose avec des représentants de l'église de Scientologie. Alors, voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a Tom Cruise, Elisabeth Moss. La firme garde ses stars. Et malgré une perte de vitesse due à des prises de parole d'anciens membres, des documentaires accablants, la Scientologie a encore un petit noyau d'adeptes discrets et influents, dont l'acteur de Mission Impossible, qui serait toujours numéro 2 de l'Église. La franchise Mission Impossible avait révélé la stature de Dieu vivant de Tom Cruise, grimpant dans les plus hautes tours du monde ou rassemblant ses agents secrets comme des apôtres pour leur distribuer des téléphones portables en guise de pain. Revoyez la fin de Mission Impossible, protocole fantôme. On l'interroge en revanche moins sur ce sujet en interview. Mais c'est aussi un dieu vivant au sein de l'église de Scientologie, dont il serait le membre le plus important après son chef, David Miscavige, selon l'ancienne scientologue Brie Maud. Les membres de ce qui est considéré comme une secte en France sont obligés de voir tous les films de la star au cinéma, plusieurs fois. Cette aura censée attirer les nouveaux dévots pâlit cependant là où l'église de Scientologie trouve Cruise et son nid Hollywood. Les critiques jusqu'ici chuchotées par peur de représailles judiciaires ou allant jusqu'à l'espionnage de repentis par l'organisation se précisent. En 2015, le documentaire « Queen Clear, Scientologie, la vérité révélée au grand jour » d'Alex Gibney est montré au festival de Sundance, sur HBO. Il détaille les méthodes oppressives de l'organisation. Extorquation, séparation des familles et des couples, dont celui de Tom Cruise et Nicole Kidman. Et la personnalité trouble de Miscavige, violent envers ses subordonnés et dont la disparition de l'épouse, Michelle, et n'est plus apparue en public depuis 2007, alimente les rumeurs. Elle mène une vie très privée, selon l'Église. Elle serait retenue contre son gré dans un repère en montagne en Californie, selon d'anciens membres. Depuis 2016, l'ex-scientologue Lee Rimini produit et présente une série documentaire à charge et à succès sur la chaîne A et E, Scientology and the Affirmat, où il fait témoigner d'anciennes ouailles. Tom Cruise en personne n'est pas non plus le meilleur prosélyte. En 2008, une vidéo d'endoctrinement fit brièvement surface où l'acteur déclarait très sérieusement que lorsque vous êtes scientologue, que vous arrivez près d'un accident, vous savez que vous devez faire quelque chose parce que vous savez que vous êtes le seul à pouvoir aider. Remplacer les mots scientologue et accident par Ethan Hughes et bombe atomique, toute l'attention sur la star et ses mariages ratés, Cathy Holmes fut élue après un casting mené par l'Église, n'est que l'envers de la plus-value hollywoodienne cherchée par la scientologue. Il faut aussi faire état des lieux des célébrités scientologues déclarées. On ne compte pas Will Schmidt, qui déclare juste apprécier leurs idées brillantes et révolutionnaires, John Travolta, Kirstie Alley, Juliette Lewis, Michel Peña, et encore Beck et Chick Corea. Une liste qui n'a guère bougé. Aucun millénium et peu de renouvellement. Dans un article de New York Post, l'ancien scientologue Mig Rinder déclarait « Il faudrait être stupide pour une célébrité montante de s'impliquer dans la scientologie sans faire des recherches sur Google et découvrir que cela va vous coûter beaucoup d'argent et potentiellement détruire votre famille. » La plus jeune scientologue médiatisée du moment reste l'actrice Elizabeth Moss, 36 ans. Peggy Olson, Forever dans Mad Men, très sinueuse quand on l'interroge sur le sujet. Je ne vais pas vous enlever le droit de parler d'un sujet ou de croire en quelque chose. Vous ne pouvez me l'enlever non plus, déclare-t-elle au Daily Beast. Mais capable de jouer sans sourciller dans une dystopie où la très totalitaire république du djihad serait aussi menaçante sur les dissidents que la scientologie elle-même. L'horizon lointain serait donc à l'étranger. Goff Levin, dissident ayant quitté l'église après 50 ans de service, avance les noms de Michel Ronda, chanteur et star de la télé mexicaine, et Sheena Chuan, actrice indienne, comme nouveau ambassadeur, sommet de l'iceberg d'une stratégie d'expansion passant par la construction de nouveaux centres, au Mexique comme en Afrique du Sud ou à Saint-Denis. Des coquilles vides, selon le The Underground Bunker, blog militant qui scrute les activités de l'Église, puisque le nombre d'adhésions à la scientologie va chuter. À Hollywood, c'est la famille de Tom Cruise qui prend la relève. Sa fille Isabella, qu'il a adopté avec Nicole Kidman, s'est fendu d'un mail envoyé à toutes les ouailles, vantant les mérites de la scientologie pour son développement personnel, et remerciant papa, le cœur ouvert, les yeux bien fermés. Voilà, un peu pour donner un petit peu cette scientologie qui nous vient des États-Unis, qui est portée par certaines vedettes du show business, hein, jusqu'en France, hein. Et dont l'acteur principal de Mission Impossible serait le numéro 2. Voilà, ce qui est inquiétant, si on veut, c'est qu'elle est considérée, l'Église de Scientologie, comme une secte, mais qu'en France en particulier, ben, ils essayent de s'implanter en achetant un immeuble donc, à Saint-Denis, où le maire communiste essaye de faire des pieds et des mains pour les empêcher de s'implanter, mais malheureusement, tout le monde a le droit d'acheter un immeuble. Hein, fut-il à Saint-Denis. Malheureusement, bien sûr, cette église de scientologie qui est quand même une qui est, qui estorque des fortunes à des personnes, continue à sévir, bien sûr aux États-Unis, puisqu'elle est reconnue officiellement, mais également dans les pays où elle s'implante peu à peu. C'est un danger potentiel, bien sûr. Maintenant, est-ce que les pouvoirs publics ont véritablement la volonté de lutter contre cette église de Scientologie? Ça reste à voir. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.